Eh bien oui, Philippe Salvador, on se retrouve en 1880. Je suis aux côtés de Jules Ferry, avec qui je viens de passer la soirée. Finalement, on s'est bien entendu, n'est-ce pas, Jules? Ouais. Sympa, sympa, ouais. T'es sympa comme mec, toi. Et Jules a décidé de me faire visiter un pensionnat des années 80 du siècle dernier. Ouais. Merci à toi, Jules, tout d'abord, hein, quand même. Bah, c'est normal, c'est normal. Bon, on va y aller. On te dit. Allez, essaye de monter les marches. Ouais. Ah, c'était cuit. Bon, alors, là, ça commence. Là, c'est bon, c'est la première chambre. Hein. Alors, c'est les premiers de la classe. Ah oui, effectivement. Ouais. Hein. Tu vois, super. Une chambre particulièrement bien ordonnée. Hein. Approche ton micro, tu vas voir, regarde. Eh, c'est qu'un micro, c'est pas moi, hein. J'ai pas la forme ce soir. Bon, voilà, alors ça c'était la première chambre. Attention à ne pas les réveiller quand même. Ouais, non, t'inquiète. Allez, salut les mioches. Ouais, c'est les petits cons, je peux pas les saquer en plus. Alors, on va dans une deuxième chambre peut-être? Ouais, celle-là un peu plus cool. Voilà. Eh ben les gars! Eh, hey, c'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce bordel? Putain, mais t'as c'est quoi cette chambre? Eh, hey, oh, qu'est-ce que. Eh, hey, mais il y a de l'absinthe là-bas! Putain! Vas-y, hey, fais-lui faire du pain à roulette! Les gars, ça! Faut se faire une rasade! Pour le plaisir! Hein. C'est pour des gars comme vous que j'ai inventé l'école! C'est bien! Allez, viens, Flipper! Continuez, les gars, continuez! Bon, on va les laisser, on y reviendra après! Ok, pas de problème! Ok, ça te va pour l'instant? Moi, je suis plutôt d'accord! Cool, hein. Et par rapport à ton futur, ça change beaucoup! Non, ça va bien. Là, je pense qu'on va passer une plutôt bonne soirée après, hein. Ouais, c'est peut-être, ouais. Peut-être. Bon, allez, on y va. Ouais, alors où est-ce qu'on va? Bon, la troisième chambre. Ah, bah tiens, ils sont sous la douche. Eh, mais j'ai pas encore inventé l'école pour les filles, ça va pas tarder. Parce qu'ici, ça manque de touffe, quoi, hein, tu vois. Bon, allez, on y va. Alors, regarde. Alors, voilà, là, t'as les douches. Bon, bah, t'as tous les mioches à poil, hein. Salut les mioches! Salut! Ouais. Et bon, bah, à côté, t'as. On va peut-être en interroger un, bonjour! Ouais, bah, si tu veux, vas-y! Tu réponds, toi! Oui, monsieur, je ferai. Ouais, allez, vas-y, je te le laisse. Qu'est-ce que c'est, ça, monsieur, je ferai? Bonjour, et d'abord, félicitations! Heureux de voir que les jeunes d'antan sont en aussi belle forme que. Oui, monsieur. Voilà, hein. Donc on va pas vous déranger plus longtemps. Bonne fin de douche, hein. Oui, merci, monsieur. Bon, allez. Très bien. Alors, Jules. Vire-toi, il va te coucher maintenant. Oui, monsieur Ferry. Ah, c'est pas vrai, ça. C'est sale mioche. Allez, vire-toi. Vous venez pas me border, monsieur Ferry? Non, pas ce soir. Pas ce soir. Oh. Bon, allez. Puis t'es pas assez barbu encore. Oh. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'il propose, Jules? Jules, il te propose. Attends, qu'est-ce qu'il y a encore dans cette piole là? Bon, ben, y a plus rien. C'est lamentable, cette école. Y'a pas porte mon nom. Bon, ben, on va retourner dans la piole où ça bouge un peu plus. On va se finir, hein, la soirée, ouais. Hein, allez. Alors. Salut, les mecs. finalement. La notarie, elle est bourrée. Je suis pas déçu d'être passé du côté de 1880, hein, cher Philippe Salvador. Autant vous. Un peu plus d'absinthe là-haut, tu me prends pour qui là? T'en mets un peu plus là d'absinthe là-haut. T'es une méga nouba! Passe-moi l'otarie, on va jouer au ping-pong. Autant vous dire que l'ambiance qui régnait à cette époque-là n'a rien à envier à nos rave parties d'aujourd'hui. Félicitations de vous amuser comme ça. C'était un petit coucou du futur, au revoir à tous. Moi je vais rentrer chez moi après une bonne soirée. À vous Philippe Salvador, à vous Solite en passant, à vous éphémère.